Ézéchiel chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut encore adressée, en disant, « Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui se mêlent de prophétiser, et dis à ces prophètes qui prophétisent de leur propre mouvement, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit, et qui n'ont point eu de vision. Israël, tes prophètes ont été comme des renards dans les déserts. Vous n'êtes point montés aux brèches, et vous n'avez point refait les cloisons pour la maison d'Israël, afin de vous trouver au combat à la journée de l'Éternel. Ils ont eu des visions de vanité, et des divinations de mensonges, en disant, l'Éternel a dit, et toutefois l'Éternel ne les avait point envoyés, et ils ont fait espérer que leurs paroles seraient accomplies. N'avez-vous pas vu des visions de vanité, et prononcé des divinations de mensonges? Cependant vous dites, l'Éternel a parlé, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous avez prononcé la vanité, et que vous avez eu des visions de mensonges, à cause de cela, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Et ma main sera sur les prophètes qui ont des visions de vanité, et des divinations de mensonges, ils ne seront plus admis dans le conseil de mon peuple, ils ne seront plus écrits dans les registres de la maison d'Israël, ils n'entreront plus en la terre d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Parce, oui, parce qu'ils ont abusé mon peuple, en disant, paix, et il n'y avait point de paix. L'un bâtissait la paroi, et les autres l'enduisaient de mortier mal lié. Dis à ceux qui enduisent la paroi de mortier mal lié, qu'elle tombera, il y aura une pluie débordée, et vous, pierre de grêle, vous tomberez sur elle, et un vent de tempête la fendra. Et voici, la paroi est tombée. Ne vous sera-t-il donc pas dit, où est l'enduit dont vous l'avez enduite? C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai éclater en ma fureur un vent impétueux, et il y aura une pluie débordée en ma colère, et des pierres de grêle en ma fureur, pour détruire entièrement. Et je démolirai la paroi que vous avez enduite de mortier mal lié, je la jetterai par terre, tellement que son fondement sera découvert, et elle tombera, vous serez consumés au milieu d'elle, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi je consommerai ma colère contre la paroi, et contre ceux qui l'enduisent de mortier mal lié, et je vous dirai, la paroi n'est plus, ni ceux qui l'ont enduite. Savoir, les prophètes d'Israël, qui prophétisent touchant Jérusalem, et qui voient pour elle des visions de paix, et néanmoins il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi, toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple, qui prophétisent de leur propre mouvement, et prophétisent contre elles. Et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui cousent des coussins pour s'accouder le long du bras jusqu'aux mains, et qui font des voiles pour mettre sur la tête des personnes de toute taille, pour séduire les âmes. Séduiriez-vous les âmes de mon peuple, et vous, garantiriez-vous vos âmes? Et me profaneriez-vous envers mon peuple pour des poignées d'orge, et pour des pièces de pain, en faisant mourir les âmes qui ne devaient point mourir, et faisant vivre les âmes qui ne devaient point vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge? C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à vos coussins, par lesquels vous séduisez les âmes pour les faire voler vers vous, et je déchirerai ces coussins de vos bras, et je ferai échapper les âmes que vous avez attirées afin qu'elles volent vers vous. Je déchirerai aussi vos voiles, et je délivrerai mon peuple d'entre vos mains, et ils ne seront plus entre vos mains pour en faire votre chasse, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous avez affligé sans sujet le cœur du juste, lequel je ne contristais point, et que vous avez renforcé les mains du méchant, afin qu'il ne se détourne point de son mauvais train, et que je lui sauvasse la vie. C'est pourquoi, vous n'aurez plus aucune vision de vanité, ni aucune divination, mais je délivrerai mon peuple d'entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel.